parler sans rien dire. Un homme en noir qui le cherchait, il n'a rien dit, il s'est levé. Bruit de battes, un regard de défi, tête haute, il a pris son fusil sans rien dire. Cet homme en noir, il l'a suivi, et dans la rue, ils sont partis. Tous les regards sont sur eux, ils vont se battre, oh mon Dieu, à la douleur, il laissera sa vie. Je l'aime, je vous en prie, pour qu'il me revienne, je vous supplie. Sur la place, ils sont prêts à tirer face à face. Que va-t-il arriver, quoi qu'on fasse? Les jeux sont faits. Cet homme en noir va le tuer. Tous les regards sur eux sont braqués, et mon cœur bat se briser. Je prie pour lui.